Fréquence Vie, la voix qui dit Dieu vous aime. Nous voici pour la seconde tranche de la réception des invités. Édouard Yao est le réalisateur. Et puis au micro, vous avez Joseph Ikio Nyawa. Alors, le dimanche 23 février 2020, sur le coup de 16h, à la cantine de l'école méthodiste, va se tenir cette grande rencontre de bonheur conjugal que vient annoncer notre frère Alfred Dan. Bonjour, cher bien-aimé. Bonjour, cher Ikio. Bonjour, cher auditeur. Oui, bonheur conjugal, en cette année, nous avons fait une rénovation. Elle se tient maintenant une fois par mois, donc les rendez-vous sont mensuels. Le rendez-vous de ce mois, c'est le 23 février et le lieu a changé. Nous ne sommes plus au CPE, mais c'est plutôt à la cantine de l'école méthodiste de Cocody en face du CHU. Alors pour ce mois, nous avons un thème, c'est « Sur ta parole, je jetterai le filet » tiré de Luc 5, verset 5. L'orateur, c'est bien le révérend Dieudonné Ngoumbi et le lieu... C'est à la cantine de l'école méthodiste de Cocody en face du CHU le 23 février à 16h. Donc nous vous invitons, ceux qui ont l'habitude de venir, qui pour une raison ou pour une autre ont cessé de venir, nous invitons tout le monde à venir participer à ce moment de prière et d'adoration. Venir participer à ce moment de prière et d'adoration pour le compte de bonheur conjugal. On l'a dit, hein, ce ne sera plus au CPE, mais ce sera donc à la cantine de l'école méthodiste en face du CHU de Cocody. L'entrée est libre et gratuite. Alfred, que reste-t-il à dire avant de donner le numéro de téléphone? Oui, il faut rappeler le thème. Le thème, c'est « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Et les numéros que vous pouvez appeler pour plus d'ampleur renseignement est le 07 95 02 94. 07 95 02 94 ou le 59 47 50 05. 59 45 50 05. Bonheur conjugal, le dimanche 23 février à 16h à la cantine de l'école méthodiste en face du CHU de Cocody. Merci Alfred et puis surtout très très bonne journée. Au revoir. Le ministère de la puissance de la foi en Jésus-Christ, MIPEF-JC, organise une grande veillée des prières et à cet effet nous recevons sur ce plateau le pasteur Armand. La veillée c'est pour le vendredi 28 février 2020 de 21h au petit matin à la salle Mathieu de l'espace La Parole à Cocody, Ingré, derrière le marché Coco Vico. Tout de suite, parole à notre invité, pasteur Armand, bonjour. Bonjour, soyez bénis. Alors, grande veille de prière qui sera suivie d'un culte spécial. Tout à fait. Voilà, tout juste pour dire que pour cette veillée, le thème c'est un feu étranger. Quand on parle d'étranger, on parle de quelqu'un qui est venu s'installer sur un territoire qui ne lui appartient pas. Et un feu, c'est ce qui consume de façon surprenante ou peu à peu. Donc, il y a des choses qui se sont passées dans ta vie et tu ne sais pas d'où proviennent ces choses. Ces choses sont venues s'installer dans ta vie de façon provisoire pour d'autres et de façon définitive pour d'autres. Et la maladie est dans la vie de certaines personnes depuis des années. La souffrance, la misère est dans la vie de certaines personnes depuis des années. Il y a des gens même qui sont vos frères, qui sont vos sœurs, qui sont vos amis, qui constituent un feu étranger. Ces personnes sont avec vous comme si elles étaient avec vous. Or, en bas, ces personnes agissent contre vous. Voilà, donc ce vendredi 28, à l'espace La Parole, tout feu étranger dans ta vie sera banni au nom de Jésus-Christ. Voilà, tout sera fait pour que ce feu-là ne puisse pas agir dans ta vie. D'accord. Voilà, ça peut être la maladie, ça peut être l'échec, ça peut être la mort, ça peut être plusieurs choses que tu ne comprends pas. Les blocages sans fin, ce jour-là, tu verras le feu dévorant se manifester. Très bien. Et le prophète Jacques-Adolphe Ngoran, pasteur principal de la MIPEF-JC, sera l'orateur. Tout à fait. Loin de l'Éternel, notre père spirituel, le prophète Jacques-Adolphe Ngoran, en qui Dieu a déposé toutes ses capacités. Pour que toutes ces personnes qui viendront à cette veillée soient dans cette atmosphère de miracle, de guérison et de restauration. Très bien. Après la veillée du 28, il y aura un culte spécial. Tout à fait. Qui va couronner tout ça. Voilà, il y aura un culte spécial le dimanche. Et nous invitons tout le peuple de Dieu à participer à ces deux programmes. Nous demandons à tout le monde de venir pour qu'on puisse aussi prier pour la nation. D'accord. Afin que Dieu se manifeste. Dimanche 1er mars, ce sera culte spécial. Voilà. Le vendredi 28 février, ce sera la veillée à la salle Mathieu et le culte. Ce sera donc au temple MIPEF-JC, juste derrière le hypermarché Sokosé. Hein? Tout à fait, voilà. Voilà. Quels sont vos numéros de téléphone? C'est le 08 11 44 19, 08 11 44 19, le 08 76 76 76. Et nous demandons au peuple de Dieu de venir massivement. 08 76 76 76. Voilà, et nous demandons au peuple de Dieu d'être là de venir massivement pour ce programme. Merci, pasteur Aman. Et puis, on a vendredi 28 pour la veillée à l'espace La Parole. Au revoir. Avec le Centre La Chambre Haute, amis auditeurs, nous parlerons donc de la deuxième édition de la Nuit des Intercesseurs. C'est une veillée grandiose que vient annoncer ici l'évangéliste Timothée Kwame, le premier responsable du Centre La Chambre Haute. Ce sera pour ce vendredi 14 février 2020 à la Cité Rouge de Cocody. L'orateur, c'est naturellement lui-même. Bonjour à vous, évangéliste Timothée. Shalom, serviteur de l'Éternel, et que Joseph, je bénis le nom du Seigneur pour le souffle qu'il nous donne ce matin. Hier, mardi, nous avons tenu la cellule de l'exaucement, comme tous les mardis, à l'amphithéâtre de la Cité Rouge. Et je suis là pour rappeler que, en ce deuxième mois, nous avons la veille du mois de février, qui aura lieu ce 14 février. Quelqu'un me dira que le 14 février, c'est une fête pour des amoureux. Mais un vivant doit comprendre que, quand tu vis, tu dois être reconnaissant à l'Éternel. Et la première personne qui t'aime, c'est ton Dieu. C'est pourquoi il dit, tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont dans le ciel. Pour moi, notre premier amour, c'est l'Éternel qui nous a créé, qui nous donne le souffle. C'est pourquoi on n'a pas décalé cette veillée, on a maintenu. Donc ce vendredi 14, la deuxième édition de la Nuit des Intercesseurs aura bel et bien lieu de 21h à l'aube. Nous allons venir prier pour nos familles, pour nos projets. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire, pour le monde. Et nous allons prier pour que Dieu, dans sa grâce, achève ce qu'il a commencé. Et le thème de cette grande veillée qui aura lieu ce vendredi à l'amphithéâtre de la Cité Rouge est: au nom de l'Éternel, je poursuivrai mes ennemis, je les atteindrai et je reposséderai mes droits. C'est l'histoire de David dans 1 Samuel, tout le chapitre 30, je ne vais pas relater, c'est long. Mais la Bible dit que David était absent et les Amalécites ont pillé Siklag. Ils ont pris toutes les femmes, les enfants et les jeunes. Ils ont pris l'argent, l'or et ils sont partis. Quand David est arrivé, il a commencé à pleurer avec tous les hommes. Mais après avoir pleuré, rien ne s'est passé. David a consulté Dieu. Il dit: Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dieu lui dit: poursuis ses troupes, car tu vas les rattraper et tu vas récupérer ce qui est pour toi. Donc le thème a été tiré de là, 1 Samuel 30 verset 8: je poursuivrai, j'atteindrai et je vais récupérer mes doigts bloqués. Peut-être un salaire bloqué, une grossesse est bloquée, je ne sais pas ce qu'on t'a volé, un héritage, tu as droit à une maison, tu as droit à un poste. Nous allons prier ce vendredi pour dire: Seigneur, donne-moi la force comme David de poursuivre, d'atteindre et de rattraper. Et le sous-thème est: Éternel, attire vers moi la personne que je dois épouser. Pourquoi j'ai pris ce sous-thème? Tiré de Genèse 2 verset 18, la Bible déclare que Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais le premier mariage sur la terre, Dieu a organisé rencontre entre Adam et Ève. Il y a des personnes qui sont en Côte d'Ivoire, mais peut-être que leur femme est aux États-Unis. Donc il faut qu'il y ait rencontre. Il y a des gens qui sont en Europe, leurs maris sont ici en Côte d'Ivoire. Donc il faut qu'il y ait rencontre. Dieu a attiré Ève vers Adam. Nous allons prier pour dire que Dieu permette que cette année 2020, tu puisses rencontrer la personne, que ce soit la femme ou l'homme qu'il a prédestiné pour toi. Parce que les animaux sont passés devant Adam, mais on dit n'ayant pas trouvé son semblable. Donc en nommant les animaux, il devait trouver son semblable. Il y a des gens qui ont marié des Saint-Pangers. Les gens comme Saint-Pangers qui apprennent la foi, ils sautent sur une branche. Ils ont marié des gens qui ont le caractère de lion. Eux, ils frappent seulement. Donc nous voulons dire à quelqu'un: viens à cette veillée pour ces deux thèmes. Seigneur, attire-moi l'homme ou la femme de ma destinée, ou la personne que je dois épouser. Et le thème général: au nom de Jésus-Christ, je poursuivrai mes ennemis qui m'ont volé, je vais les rattraper et je vais récupérer mes droits. D'accord. Il y a plusieurs chants qui seront là. L'orateur principal, c'est votre serviteur, l'évangéliste Kwame Timothée. On aura bien d'autres serviteurs qui seront là. L'entrée est libre. Donc rendez-vous ce vendredi 14 février de 21h à l'aube. Le seul numéro par lequel vous pouvez nous appeler est le 0706 55 86. 07 06 55 86. Si tu dors, le voleur va continuer de courir avec ta bénédiction. Lève-toi dans la prière et poursuis-le. Poursuis-le au nom de Jésus. Amen. C'était l'évangéliste Timothée que nous recevions pour annoncer la deuxième édition de la Nuit des Intercesseurs au titre de l'année 2020. Ce sera donc ce vendredi 14 février à la Cité Rouge de Cocody. Au revoir. La mission apostolique L'heure est venue, en acronyme MAEV, organise un dîner pour les couples. Notre bien-aimée sœur et consœur Danielle Kragui-Mboa est sur ce plateau pour nous rappeler la date du samedi 15 février prochain. Ce sera à 18h à la Riviera à Toba. Bonjour. Bonjour Frère Ikio. Bonjour à tous les auditeurs de Fréquence Vie. Effectivement, nous sommes là pour rappeler à tout le peuple de Dieu que la mission apostolique L'heure est venue organise un dîner VIP pour les couples. C'est, nous sommes à la deuxième édition. La première édition s'est déroulée l'année dernière et cette année encore nous remettons le couvert parce que nous avons vécu une belle expérience avec le peuple de Dieu qui a effectué le déplacement. Et le thème pour cette année, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Je pense que c'est un passage que nous connaissons tous, qu'on soit marié ou pas. C'est vraiment un passage qui est très profond dont nous invitons le peuple de Dieu à venir découvrir les vérités cachées dans ce passage qui constitue le thème général de ce dîner. Comme on dit dîner, nous allons manger, nous aurons tout ce qu'il faut, une bonne entrée, un bon plat de résistance et aussi un dessert vraiment. Oui, et puis VIP. Avec des enseignements à l'appui. Ah, voilà, l'enseignement c'est le gros chapeau qui va couvrir tout ce que nous aurons à faire. Donc l'enseignement sera donné par l'apôtre Emeka David. Et à cette occasion, nous allons permettre aux couples, à tous ceux qui seront là, comme on l'a fait la première fois, de pouvoir débattre sur un sujet. Le sujet du jour est: faut-il déclarer toutes ses ressources financières et biens matériels dans le couple? Donc, on va donner l'occasion. Que ce soit madame, que ce soit monsieur est-ce qu'elle doit déclarer son salaire à madame, vice-versa? Et puis, à côté du salaire, il y a aussi d'autres biens, nos immeubles, nos terrains et autres. On cache. Bon, est-ce qu'il faut les déclarer dans le couple? Ensuite, on achète un terrain souvent, on ne dit pas madame. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un dîner que nous convions les couples, mais les personnes qui veulent se marier peuvent venir aussi à ce dîner. Et la participation se lève à 20 000. D'accord. Monsieur, madame, 20 000. Parce que 10 000 francs donnent accès à un ticket, à une carte d'invitation. Quels sont les numéros de téléphone auxquels on peut vous joindre? D'accord. Vous pouvez nous joindre au 47 29 43 38, 47 29 43 38, au 05 05 87 42, 05 05 87 42. Je rappelle que ça se passera le samedi 15 février à partir de 18h à la Riviera à Toubon, au Carrefour Garage, à 500 mètres de l'ambassade du Soudan. Merci beaucoup, Daniel Krabi, d'être passé. Et je suis aussi invité avec madame. Bien sûr que oui, nous serons là. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. Daniel Krabi était sur ce plateau pour inviter un couple, inviter un frère, une sœur à participer à ce dîner gala à hauteur de 10 000 francs et bénéficier donc d'enseignements qui vous permettront, amis auditeurs, d'être équilibrés dans le couple. Bonne journée. Alors, nous recevons sur ce plateau notre confrère Raphaël Bonny pour nous donner une information très capitale par rapport à cette formation qu'organise Jeunesse en Mission, n'est-ce pas? Raphaël Bonny, bonjour. Tout à fait. Bonjour, IQO. Donc, c'est la formation des formateurs en éducation chrétienne, une formation qui s'adresse aux enseignants dans la vision biblique de l'éducation. En d'autres termes, tous les chrétiens qui sont fondateurs ou les églises qui ont des établissements scolaires ou des personnes qui sont sensibles à la question de l'éducation de leurs enfants. Ce sera à Dabou et le thème, c'est comment aider les enfants à étudier. Il y a beaucoup de choses que cela implique. On va parler du mode d'apprentissage de l'enfant, c'est-à-dire mieux connaître l'enfant dans son style d'apprentissage pour mieux le dépasser plus. Vous connaissez comment l'enfant fonctionne, vous pouvez mieux lui communiquer le savoir. Et puis aussi, on va parler de l'enseignant lui-même, parce que chaque enseignant a aussi son style d'enseignement. Il y a d'autres qui sont style conférencier, il y a d'autres qui aiment jouer avec les enfants, il y a d'autres qui sont style dictateur. Et plus vous connaissez votre propre style d'enseignement, et mieux vous pouvez l'ajuster pour aider les enfants. On va parler aussi du cerveau de l'enfant, alors le fonctionnement du cerveau pour mieux aider les enfants. Et puis la discipline, différentes formes de discipline pour mieux instruire l'enfant. Et tout cela va se passer du 16 au 22 février au lycée Jeune Fille de Dabou, un très beau cadre, et le lycée même c'est une référence. Donc voilà, c'est une formation internationale qui a été mis en place par plusieurs pédagogues à travers le monde. Et nous sommes à notre deuxième édition. Et la formation se tient en une année. Il y a la théorie et la pratique. Et cette session-là, c'est le module 2 et qui sera suivi de la phase pratique. C'est-à-dire que quand vous finissez, vous appliquez ça dans une salle de classe, que ce soit à l'école des dimanches ou dans un établissement scolaire. D'accord. Alors, on paye combien et puis quels sont vos numéros de téléphone? Alors, c'est 10 000 francs l'inscription pour les nouveaux et pour les anciens qui sont déjà inscrits, n'ont pas à payer 10 000 francs, ce sera 70 000 francs pour les anciens. Cela reviendra à 80 000 francs. C'est en internat, les enseignants, les formateurs seront hébergés là-bas. Et puis, il faut dire qu'après la formation, ceux qui suivent la théorie seront inspectés, suivis pendant l'année scolaire. Ils seront notés par des formateurs. Si vous êtes formateur, c'est vous qui allez suivre un enseignant dans sa pratique. Tout le matériel de travail, tout est fourni. Et donc, ce qui vous donne droit à un diplôme de l'université de Jeunesse en Mission, ce sont des unités de valeur. Vous pouvez continuer après un diplôme final. Quels sont vos contacts? C'est le 07 69 38 90. 07 69 38 90. C'est le numéro que nous utilisons le plus. Et puis, il y a aussi le 41 94 03 11. 41 94 03 11. Merci beaucoup, Raphaël Bonny, d'être passé sur ce plateau pour donner des précisions concernant cette formation qui va se tenir à Dabou. Allez, excellente journée à vous. Au revoir. Alors avec Narcisse Ngata, nous parlons donc de chantre Rose Manouti qui désormais est disponible pour toutes vos cérémonies pourvu que ça glorifie le nom de Jésus. Et il est là pour rappeler à quelqu'un que les CD sont également disponibles au prix de 3000 francs. Narcisse Ngata, bonjour. Oui, bonjour mon frère. Effectivement, nous voulons saluer le peuple de Dieu et que la grâce, la paix, la faveur de Dieu soit le partage. Nous sommes là ce matin pour le rappeler que l'album Yahweh Merci de Rose Manouti est un album de 8 titres est disponible dans tous les points de vente habituels, ici même à la radio Fréquence Vie, disponible dans le réseau Adoration, disponible à Secousse Musique, CLC, Ebenezer, Ayopougon, et dit que c'est disponible aussi sur toutes les plateformes de téléchargement. Et Rose Manouti est disponible, disposé pour toutes vos cérémonies, que ce soit vos temps de louange, d'adoration, de célébration, vos concerts et même vos évangélisations, même des cérémonies de mariage et d'anniversaire, toute cette cérémonie-là, Rose Manouti reste disponible. Et nous sommes là encore pour rappeler le peuple de Dieu de consommer en soutenant véritablement l'œuvre de Dieu. D'accord. Alors sur ce, qu'est-ce qu'il faut dire encore pour donner le numéro de téléphone? Simplement rappeler que l'album il est à 3000 francs et il est disponible dans tous les points de vente et appeler au 47 76 52 25. 47 76 52 25 et préciser que vous pouvez aussi visiter la page Facebook de Chante Rose Manouti pour avoir plus ample information, découvrir ses vidéos et aussi la voir en prestation. D'accord. C'était Narcisse Ngata que nous recevions pour parler de la disponibilité de Rose Manouti et également la disponibilité de Yahweh Merci qui est son tout premier album dans les différents bacs demandés et vous serez servi. C'est un album de 8 titres. Très bonne journée à vous. Sacrifice, tout est accompli. Condamné que j'étais, aujourd'hui je suis en liberté. Pour cet amour, je te remercie, oh mon Dieu. Pour le souffle de ma vie, je te remercie. Si j'ai la santé, c'est grâce à toi, oh mon Dieu. Si je peux parler, même chanter, c'est grâce à